l'histoire d'une histoire de cœur entre deux êtres. Mais les gens qui les entouraient ont fait la tête. Malgré leur rêve, la réalité les a déchirés. Frappés par le tonnerre, ils ont été foudroyés. C'est une histoire de c'est une histoire de cœur.